بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours 39 dans l'explication de Sharh Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni avec les explications de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafadahullah ta'ala. Donc on commence, on était dans le chapitre au sujet de Al-Shafa'a et la Aqidat Ahl-Sunnati wal-Jama'a au sujet de la Shafa'a, de l'intercession pour les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans, parmi la Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc au dernier cours, on a lu le long hadith, le long récit de l'exemple de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Et donc maintenant, on va continuer avec les explications de ce que Cheikh Rabi' il explique par rapport à ça. Et donc il dit Al-Anbiya yastahun an yashfa'u fi dhalika al-yawm. Fa hadha nabiyullah Adam alayhi as-salatu was-salam yastahi an yashfa'. Nahahu Allah an ya'kula min ash-shajarati fa khada'ahu ash-shaytanu wa qasamahu billahi innahu la min an-nasihin. وإنها شجرة الخلد فخدعه وأكل منها وتاب وندم منه قال الله عنه وعن زوجه عليهما الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما ومع ذلك يأتي يوم القيامة مستحيا ويعتذر عن الشفاعة ويقول أنا أخطأت. ونوح دعا على قومه الكفار ومع هذا يعتبر ذلك خطيئة فيستحيي ويخجل منها ويعتذر عن الشفاعة. وإبراهيم عليه السلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله وهي ترويات لكنه أطلق عليها أنها كذب وهي توريات ليست بكذب حقيقي. وبعضها مثل قوله عن زوجته إن هذه أختي يعني أخته في الإسلام وليست بكذبة. مع هذا من شدة خوفه من الله وحيائه منه وعلو منزلته عند الله عز وجل يرى أن بكذبة يرى أن هذا خطأ ويراها ذنوبا ويخجل من الله عز وجل. وهو خليله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأبو الأنبياء. فما بعث الله نبي بعده إلا من ذريته. وردت آيات تنفي الشفاعة وهي يعني في الكافرين. Donc ça on va l'expliquer par la suite. Le Cheikh il explique ici que les prophètes au jour de la résurrection ils vont donc يعني être gênés de demander l'intercession à Allah au jour de la résurrection. Et donc on voit dans le récit qu'on a lu au dernier cours que chacun d'entre les prophètes d'Allah s'excuse, il s'excuse et il refuse d'intercéder et ils sont gênés de certaines des fautes qu'ils ont commis. Et par exemple, Adam alayhi salam, qui est le père de l'humanité, il est gêné d'intercéder au jour de la résurrection parce que Allah azza wa jalla lui avait interdit de manger de l'arbre et le shaitan l'a trompé. Il lui a fait un serment par Allah, il lui a juré par Allah qu'il était parmi les gens sincères et que c'était l'arbre de l'éternité. Et donc il l'a trompé et il a mangé de l'arbre et par la suite il s'est repenti à Allah et il a eu des remords, il a regretté d'avoir mangé de cet arbre. Et donc Allah Azza wa Jal a mentionné à son sujet ainsi que à propos de son épouse, que la paix soit sur les deux. Ils ont dit tous les deux, comme c'est cité et c'est mentionné dans le verset 23 dans Sourate Al-A'raf, ils ont dit tous deux, ô notre Seigneur, nous avons tous les deux fait de l'injustice à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas pas miséricorde, nous serions certes du nombre des perdants. Alors Allah Azza wa Jal a accepté leur repentance, et malgré tout ça, malgré leur repentance et malgré que Allah a accepté leur repentance, ils sont gênés, il est gêné au jour de la résurrection, et il s'excuse de l'intercession à cause de ça. Donc il mentionne qu'il ne peut pas intercéder à cause de ça. Donc il ne se sent pas, prêt à faire cette intercession-là à cause de cette faute qu'il a commise. Un autre exemple, et c'est l'exemple de Nuh alayhi salam. Il a fait une invocation contre son peuple pour qu'il soit détruit. Et il a considéré cela comme étant comme une faute. Malgré que son peuple, c'était des koufars. Et malgré ça, il a considéré que le fait d'avoir invoqué contre eux pour que Allah les détruise, que ça, c'était une faute de sa part. Et à cause de ça, il est gêné d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal ce jour-là. Un autre exemple, l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Il s'excuse d'intercéder au jour de la résurrection à cause de trois petits mensonges qu'il aurait dit ou qu'il aurait fait pour Allah Azza wa Jal. Et en réalité, ce ne sont pas des mensonges réellement, mais ce sont plutôt je ne sais pas si on peut dire comment l'expression. Comment on explique ça, Tauria. Mais c'est une façon de dire quelque chose d'une manière qui semble vraie, mais qui en réalité n'est pas telle qu'on le dit. Donc ce n'est pas un mensonge totalement, mais ce n'est pas la vérité complète. Comme un exemple que le cheikh a mentionné ici, parce que le cheikh il dit que ça, ce n'est pas un vrai mensonge en réalité. C'est juste une façon de présenter les faits d'une manière qui n'est pas apparente. Qui est pas, c'est-à-dire, c'est comme si on dit les choses, mais d'une manière qui n'est pas apparente du premier coup. Mentionner l'exemple qu'il a cité, le cheikh, il a donné l'exemple de Ibrahim lorsqu'il est arrivé devant Nimrod. Et Nimrod, c'était un tyran, un injuste. Et il était mécréant. Ibrahim alayhi salam, il avait sa femme Sarah, et on dit que sa femme était d'une très grande beauté. Donc lorsqu'il est arrivé avec sa femme devant le roi, et il savait que ce roi était injuste, en voyant la beauté de sa femme, s'il aurait dit que cette femme, c'était son épouse, sûrement Nimrod l'aurait fait tuer pour pouvoir la prendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour éviter ça? Justement, il a dit, c'est ma sœur. Il a dit, c'est ma sœur. Et en fait, c'est que Sarah, c'est pas sa sœur de sang, mais c'est sa sœur en islam. Donc, d'un point de vue, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, mais d'un autre point de vue, c'est pas sa sœur de sang. Donc, selon la façon dont la personne va entendre cette réponse, il ne va pas nécessairement comprendre que c'est sa sœur en religion. D'accord? Donc, à cause de ce genre de propos qu'il a dit, ou qu'il a eu, c'est ce qui a été considéré par Ibrahim comme étant un mensonge, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un mensonge. Naam. Ensuite, le cheikh, il dit donc, à cause de ça, donc il n'a pas voulu intercéder, et c'est à cause de sa grande crainte d'Allah, Azza wa Jal, et de sa gêne d'Allah, et du degré élevé qu'il a auprès d'Allah aussi. Donc il considère que même si c'est une petite erreur, il le voit grand. Hein? Il le voit grand et il est gêné d'Allah Azza wa Jal à cause de ça. Et c'est malgré que c'est le plus grand parmi les prophètes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que c'est le père des prophètes également. Puisque tous les prophètes de Bani Israël qui sont venus par la suite, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des descendants de sa progéniture. Ils viennent de sa lignée, de sa descendance. Puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est descendant d'Ibrahim par Ismaïl. Tandis que les prophètes de Bani Israël, ils sont descendants d'Ibrahim par Ishaq. Ensuite, le cheikh, il dit... وردت آيات تنفي الشفاعة وهي في القرآن وآيات أخرى تثبت الشفاعة وهي في المؤمنين كما ذكرنا لكم فسيأتي المعتزلة والخوارج فيتعلقون بالآيات التي تقصد الكفار الذين لا يغفر ذنوبهم يعني بحال من الأحوال والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه الآية نستفيد منها أن الله يغفر لعباده المؤمنين أو عباده عموما أو عباده عموما ما عدا الشرك فمن لقي الله إلا ولا فمن لقي الله لا يشرك به شيئا موحدا لله تبارك وتعالى فإنه لا بد أن يخرج من النار بإيمانه إلا برحمة أرحم الراحمين وإما بشفاعة الشافعين ولا بد من هذا وردت أحاديث في الشفاعة مثل حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري هذا في صحيح البخاري ومسلم وحديث أنس كذلك في صحيح مسلم وصحيح البخاري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني on l'a déjà lu auparavant précédemment et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Naam. Donc c'est des hadiths authentiques. Et le Cheikh il dit: وفي هذه الأحاديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ممن قال لا إله إلا الله. ونستفيد منها أن من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يخرجه الله من النار ولو كان عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان ذلك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فينقص وينقص إلى أن لا يبقى منه إلا مثقال ذرة فيخرج الله به أقواما من النار نعم. Donc le cheikh il explique ensuite que il y a des versets dans le Coran qui ont été mentionnés à propos de la négation de l'intercession. Et ça c'est à propos des kuffars. Il y a d'autres versets qui affirment l'intercession et ils sont à propos des croyants comme on l'a déjà mentionné. Puis viennent les Mu'tazila et les Khawarij et eux ils s'accrochent aux versets qui sont révélés à propos des kuffars sur la négation de l'intercession et ils l'appliquent sur ils appliquent ces versets là ou ils prennent ces versets là de façon générale parce que ils renient l'intercession et donc ils disent que ceux qui font des péchés yani leurs péchés ne seront jamais pardonnés s'ils meurent sur ces péchés là peu importe la situation alors que ça en réalité c'est des versets révélés à propos des gens qui sont morts sur le kufr ou le shirk, qui sont morts kuffar. Et Allah Azza wa Jal, il dit, pour justement clarifier le sujet, le verset 48 dans Sourate An-Nisa. Certes, Allah ne pardonne pas, hein, il dit ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et donc ce verset est suffisant pour nous faire comprendre que Allah Azza wa Jal, il pardonne à tous ses serviteurs croyants, hein, et à ses serviteurs en général, tout ce qu'ils ont pu faire comme péché, excepté le shirk. Donc celui qui rencontre Allah Azza wa Jal sans avoir fait de shirk, et qui est muwahhid, c'est-à-dire qui est mort sur le tawhid, eh bien à ce moment-là, il ne va pas rester éternellement en enfer, il va sortir éventuellement de l'enfer par sa foi. Soit par la miséricorde du tout miséricordieux, hein, du plus miséricordieux des miséricordieux, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ou bien soit par l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Donc ça c'est établi et ça c'est certain. C'est-à-dire que la personne qui meurt parmi les gens du Tawhid, même s'il avait commis des grands péchés, hein, du moment qu'il n'a pas fait de shirk, quand il arrive au jour de la résurrection, même s'il rentre en enfer, il ne va pas y demeurer éternellement, puisque yani, soit il va sortir par la miséricorde d'Allah, ou soit qu'il va bénéficier de l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Les intercesseurs, soit parmi les prophètes, parmi les pieux, parmi les anges, et ainsi de suite. Naam. Ensuite, le cheikh il explique, il dit qu'il y a d'autres hadiths également qui mentionnent l'intercession dans le Coran, dans la Sunna, et il cite par exemple le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, wa Anas ibn Malik et Abu Huraira et d'autres également. Et il dit que ces hadiths-là, c'est des hadiths qui mentionnent le fait que Allah Azza wa Jal, il va faire sortir de l'enfer quiconque avait la moindre portion de foi dans son cœur. Et il mentionne, il dit, la plus petite, plus petite, plus petit, le plus petit, plus petit, plus petit atome de foi, hein, le poids du plus petit, petit, petit atome de foi dans son cœur. Yani, il va le faire sortir de l'enfer. Parmi ceux qui ont dit « La ilaha illallah ». Et donc, le cheikh, il dit, on peut tirer de ce hadith, et ça c'est en particulier dans la narration de Anas, il dit en arabe, Adna, Adna, Adna. Adna, ça veut dire quoi? Ça veut dire la plus basse, ou le plus petit, hein, le plus bas, le plus faible poids que tu peux avoir, yani du poids d'un atome. Mithqal zarra. Ça veut dire que, si quelqu'un il a le plus petit poids, hein, ou la plus petite pesée d'un atome de foi dans son cœur, eh bien il va, s'il a dit la ilaha illallah, il est mort sur le tawhid, eh bien il va rentrer éventuellement en enfer, il va sortir de l'enfer, il va rentrer au paradis. Et on peut donc tirer de ce hadith-là que quiconque rencontre Allah ayant témoigné de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah avec sincérité, hein, qu'il l'a dit avec foi et sincérité, Allah Azza wa Jal va le faire sortir de l'enfer, même s'il avait le poids d'un atome, moins que le poids d'un atome de foi. Subhanallah. Il dit parce que la foi ça augmente et ça diminue. Ça augmente par les bonnes œuvres qu'on fait et ça diminue par les péchés. Hein? Et ça peut diminuer. Yani, excepté que il ne reste qu'un atome, hein, le poids d'un atome de foi. Et bien à ce moment-là, la personne, s'il lui reste juste ça de foi, elle rentre au paradis. Elle va sortir de l'enfer. Allah, il va les faire sortir de l'enfer pour les faire rentrer au paradis. même s'ils ont juste cette petite quantité-là de foi. Alors que dire, hein? Donc c'est pour dire, la foi c'est différent d'une personne à l'autre, hein? Et une personne, sa foi elle peut augmenter, elle peut diminuer, selon la situation, selon ses actions, selon ses paroles. Donc elle peut baisser, elle peut diminuer. Dans la même journée, la personne elle peut avoir le matin une foi très forte et le soir une foi faible, et vice-versa. Hein? Ensuite, le cheikh il explique et il dit « ولكن لا ينبغي للمسلم أن يعتمد على الشفاعة ويتجرأ على المعاصي فإن في ذلك خطرا عظيما أولا فقد يرتد المسلم لأن المعاصي بريد الكفر فقد تجره معاصيه إلى الكفر والخروج من الإسلام بأن ينقص إيمانه وينقص إلى أن يزول بسرعة بارتكاب مكفر فلا يغفر الله له ولا يأذن بالشفاعة فيه بل يكون مصيره الخلود في النار وإن لم تصل به ذنوبه ومعاصيه إلى الكفر بل كان ممن لقي الله بشيء من الإيمان مع التوحيد لله عز وجل والصدق في هذا الإيمان ولو كان مثقال ذرة فإنه يخرج من النار بالشفاعة إذ إن من لقي الله لا يشرك به شيئا كان إيمانه خالصا لله عز وجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مخلص في ذلك يلقى الله بذنوب أمثال الجبال فإن شاء الله عفى عنه كما في حديث البطاقة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه بإيمانه وتوحيده وإخلاصه لكن من منكم مستعد أن يبقى 50,000 سنة في النار هذا الذي يمنع الزكاة يلبث 50,000 سنة في العذاب والعياذ بالله فكيف بالذي يمتنع عن الصلاة فلا يتساهل الإنسان ويعتمد على أحاديث الشفاعة ويقول الأنبياء والصالحون يشفعون في أهل النار وإنما يجب أن تخشى الله وتخافه ولا تتمادى في الذنوب. Donc ici le cheikh il mentionne un point très important. Il dit que le musulman il ne doit pas, malgré qu'il y a une intercession pour les pécheurs, pour les faire sortir de l'enfer, ça veut pas dire que à cause de ça tu dois te permettre de faire tout ce que tu veux comme péché. Tu dis de toute façon c'est pas grave, je vais pas rester en enfer pour l'éternité si je meurs sur le tawhid, a'oudhou billah. C'est grave de penser comme ça. Le cheikh il dit ça c'est très dangereux même, et il mentionne quelques exemples ou quelques raisons pourquoi quelqu'un ne devrait pas penser comme ça. Il ne devrait pas se reposer uniquement sur l'intercession dans sa religion. Et il dit, premièrement, parce que c'est possible que le musulman apostasie à cause des péchés qu'il fait. Parce que les péchés sont le messager de la mécréance. Et donc, ça pourrait l'amener, à cause de ses péchés, ça pourrait l'amener au kufr et le faire sortir de l'islam. Parce que sa foi, elle diminue jusqu'à ce qu'elle disparaisse très rapidement parce qu'il commet des péchés qui annulent sa foi. Et à cause de ça, Allah Azza wa Jal ne lui pardonne pas. Et à ce moment-là, il ne pourrait pas recevoir la permission qu'on intercède pour lui. Donc, à cause de ça, sa destination serait l'enfer éternel. Donc ça, c'est le danger pour le musulman lorsqu'il s'enfonce dans les péchés. Parce qu'il y a des gens qui s'enfoncent tellement dans les péchés qu'après un certain temps, eh bien, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien du tout de sa foi, puis il fait, ou bien il fait des péchés à un moment donné qui touchent à qu'est-ce qui est kofr, et puis il perd sa foi complètement. Allah musta'an. Et si les péchés que la personne a commis n'atteignent pas le kofr, parce qu'on a dit ici que si quelqu'un, par exemple, c'est-à-dire on expliquait que le musulman ne doit pas se reposer uniquement sur l'intercession, puis se dire, bon, puisqu'il y a une intercession pour les pécheurs, donc moi je vais continuer à faire des péchés, hein, on expliquait que ça c'est dangereux. Le premier point que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, c'était que celui qui commet trop de péchés, ça risque de l'amener à la longue peut-être à tomber dans la mécréance, dans le kofr, et d'apostasie à cause de ça. Parce que, comme le dicton qui dit « al-ma'asi baridul kofr », c'est-à-dire, yani, les péchés sont le messager de la mécréance. Donc, c'est possible que la personne, elle commence à faire des péchés, puis sa foi, elle diminue, et que finalement, il tombe dans un péché qui est parmi les choses qui annulent l'islam. Et puis, à cause de ça, il meurt dans la mécréance. Et Allah ne pardonnera pas à ce moment-là à cette personne, et il n'aura pas la possibilité de profiter de l'intercession des intercesseurs à ce moment-là, puis il finira donc, voilà, yadu billah, éternellement en enfer. Le deuxième point que le cheikh a mentionné, c'est que pour la personne dont les péchés n'ont pas atteint le kofr, ou le degré de kofr, il dit, donc s'il fait partie de ceux qui ont rencontré Allah avec quelque chose de la foi, avec le tawhid d'Allah, ainsi que la sincérité dans cette foi, même si c'est une atome de foi, eh bien à ce moment-là, oui, il va sortir de l'enfer par l'intercession. Il dit ensuite, il dit que lorsque la personne rencontre Allah sans avoir fait de shirk avec lui, et qu'elle a une foi qui est sincère pour Allah seul, il n'y a pas de shirk dans sa foi, et qu'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec sincérité dans son cœur, et qu'il rencontre Allah avec des péchés comme des montagnes, si Allah veut, il peut lui faire miséricorde et le pardonner, comme c'est mentionné dans le hadith de la carte, hein, hadith al-bitaqa. Et s'il le veut, également, il peut le châtier selon la proportion de ses péchés. Et ensuite de ça, il va sortir de l'enfer par sa foi, et par son tawhid, et par sa sincérité. Mais le cheikh, il met un point important ici. Il dit, mais qui est prêt à rester 50 000 ans dans le feu de l'enfer, hein? Parce qu'on ne sait pas en fait la durée, combien de temps reste la personne qui rentre en enfer parmi les pécheurs, parmi les musulmans pécheurs, même si on dit qu'il va sortir éventuellement, on ne sait pas combien de temps il va rester. Et dans certains cas, comme la personne qui refuse de payer la zakat, il y a la mention du fait qu'il va rester 50 000 ans dans le feu. Donc, qui serait prêt de rester 50 000 ans dans le feu de l'enfer et dans le châtiment, hein? Et ça, c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira, et le hadith est rapporté par Muslim. Hein? C'est un hadith authentique. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamati » صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. Donc 50 000 ans dans ce châtiment. Donc, ça veut dire que ça, c'est pour celui qui, n'a pas donné la zakat. Imaginez celui qui refuse de faire la salat. Ça, c'est encore plus grave. Donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère et uniquement se reposer sur les hadiths de l'intercession puis dire finalement c'est pas grave, même si je vais en enfer, je vais pas rester éternellement. Voilà, yadou billah. Même une seconde en enfer, ça suffit, hein, pour que la personne elle oublie tous les plaisirs du monde. Donc imaginez 50 000 ans. Et les prophètes et les pieux, ils vont intercéder, donc pour les gens les gens de l'enfer, pour les croyants qui sont en enfer. Mais il ne faut pas s'imaginer que yani, c'est quelque chose qui est facile, hein, comme si on disait, oh, c'est pas grave, l'intercession, puis je peux faire ce que je veux. Donc il faut que tu craignes Allah et que tu aies peur d'Allah Azzawajal et de désobéir et que tu ne t'enfonces pas dans tes péchés. Après le cheikh il dit, wa in waqa'at fi dhanbin, hein, fa in waqa'ta fi dhanbin, tub ila Allah Azzawajal. Fallahu Azzawajal مدح الذين لم يصروا على الذنوب فقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وفي الحديث الصحيح إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكه أو حتى يهلكنه والعياذ بالله وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والعصاة كثير منهم يشاركون الكفار في هذه النار وإن خرجوا بالشفاعة لكن من منا مستعد أن يبقى في النار دهرا والعياذ بالله ويلقى العذاب على معاصيه في عرصات القيامة أهل الطاعة في ظل العرش ينعمون وهم في وهج الشمس ويقربون من الجحيم والهلاك والعياذ بالله ويتلقلقون ويتململون ويعانون من المخاوف والأهوال ما لا يعلمه إلا الله الشاهد أن الآيات والأحاديث كما ذكرنا لكم وهي أحاديث وردت في الصحاح وغيرها البخاري ومسلم والصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومسند أحمد والمسانيد والمعاجم والسنن كلها فيها هذه الأحاديث وهي كثيرة تبلغ حد التواتر فنؤمن بها كل هذه الآيات والأحاديث يتأولها الخوارج والمعتزلة مثل تأويل المكذبين والعياذ بالله ويحرفونها مع الأسف الشديد ويكابرون في دفعها ويرون أن من دخل النار لا يخرج منها ويحتجون بآيات وردت في الكفار منها قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يعني الله سبحانه وتعالى نص على أنه كذب وتولى وهذا الذي دخل النار بذنوبه لم يكذب فالآية حجة عليهم وهذه من الآيات التي يحتجون بها Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh explique que si quelqu'un il est tombé dans un péché quelconque, il doit se repentir à Allah. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui ne persistent pas à commettre des péchés. Et il dit dans le verset, dans Surat Al-Imran, le verset 135, « Et ceux que lorsqu'ils commettent une turpitude ou qu'ils font de l'injustice à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés excepté Allah ?» et qui ne persistent pas à ce qu'ils faisaient, hein, à faire ce qu'ils font, alors qu'ils savent. Et dans le hadith authentique, prenez garde aux péchés méprisables, hein, aux choses méprisables des péchés que tu fais. En voulant dire, les péchés que tu considères petits, hein, prenez garde aux péchés que vous considérez petits, parce qu'ils se réunissent, hein, sur un homme jusqu'à ce qu'il le fasse périr. Donc ces petits péchés-là s'accumulent et ça devient des grands péchés. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, At-Tayalisi, dans sa Musnad, At-Tabarani, dans le Kabir, selon Abdullah ibn Mas'ud, et Cheikh Al-Albani, il a authentifié ce hadith dans Sahih Al-Jami'. Ensuite, le Cheikh, il dit, yani, que Allah nous préserve de ça. Et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, préservez-vous de l'enfer, même par la moitié d'une date. Hein? La moitié d'une date. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 24 dans Surat Al-Baqarah, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. C'est-à-dire, préservez-vous de l'enfer dont le carburant sera les hommes et les pierres, et qui a été préparé pour les mécréants. Et les pécheurs, hein, et les pécheurs aussi, hein, ils sont sous la menace. Et donc, beaucoup d'entre les pécheurs, ils vont avoir un péché dans l'enfer avec les koufars, même s'ils vont sortir de l'enfer éventuellement par l'intercession. Mais qui d'entre nous est prêt à rester, hein, une période de temps dans l'enfer, hein, que Allah nous en préserve? Et qui est prêt à supporter le châtiment d'Allah pour ses péchés, hein, au jour de la résurrection? Donc les gens de l'obéissance, eux, seront dans, hein, sous l'ombre du trône d'Allah, sous la grâce d'Allah, alors que les gens seront, hein, yani, seront sous le soleil directement au-dessus de leur tête. Hein? Et ce sera, yani, un péché, c'est-à-dire pas un péché, mais un châtiment qui va être difficile pour les hommes à ce moment-là. Le soleil proche de leur tête, hein? C'est une chaleur insupportable. Hein? Et comme c'est proche de la chaleur de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Et à ce moment-là, ils vont subir toutes sortes de peur et de crainte et d'effroi. Hein? C'est la terreur pour eux ce jour-là. Et c'est des choses qui vont arriver que seul Allah connaît réellement. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a mentionné ici? Tout ce qu'on a mentionné, le point qu'on veut établir, c'est le suivant, c'est que les versets et les hadiths qu'on a mentionnés, hein, c'est des hadiths qui ont été mentionnés dans les livres authentiques de la Sunna, hein, et d'autres également, comme le Sahih al-Bukhari et Muslim, et également le Sahih de l'imam Ibn Khuzayma, et le livre al-Mustadrak de l'imam al-Hakim, et le Sahih de l'imam Ibn Hibban, ainsi que la Musnad de l'imam Ahmad, ainsi que les autres Masanid et les Ma'ajim et les Sunan. Tous ces hadiths au sujet de l'intercession sont rapportés dans ces livres et dans ces recueils authentiques de hadiths. Et beaucoup d'entre eux, donc si on calcule le nombre de ces narrations au sujet de Ash-Shafa'a, eh bien ça atteint le degré de At-Tawatur. At-Tawatur, ça veut dire un très très grand nombre de narrations. D'accord? Et le Cheikh, il explique ensuite et il dit, tous ces versets et tous ces hadiths ont été déformés par les Khawarij et les Mu'tazila. Et les déformations qu'ils font de ces versets et de ces hadiths sont semblables à la déformation des gens qui nient, hein, la révélation, wal'iyadhu billah, et qui déforment le sens de la révélation, ma'al asaf, hein. Et ils font preuve d'orgueil, hein, et d'arrogance en repoussant ces textes et en les rejetant. Et ils considèrent que celui qui rentre en enfer, il n'en sortira jamais. Et ils se basent sur des versets qui ont été mentionnés à propos des koufars, à propos des mécréants, et non pas des pécheurs parmi les croyants. Et donc, le cheikh, il donne comme exemple le verset 16 et 10, 15 et 16 dans Sourate al-Layl, hein, dans lequel Allah Azza wa Jal, il mentionne « La yaslaha illa al-ashqa », ce qui signifie yani, « Personne va, ne va y brûler, excepté les malheureux ». Et après, il dit « Alladhi kadhaba wa tawalla », c'est-à-dire « Celui qui a traité de mensonge et qui s'est détourné ». Et le cheikh, il dit que Allah Azza wa Jal, il a donc mentionné textuellement que celui qui va brûler dans l'enfer, c'est celui qui a traité de mensonge et qui s'est détourné. Celui-là, il va rentrer, il va aller en enfer pour l'éternité, hein, parce qu'il est rentré en enfer pour ses péchés. Il dit... Non, c'est ça. Donc, celui-là, il va rentrer en enfer parce qu'il a traité de mensonge et qu'il s'est détourné de la vérité. Tandis que celui qui rentre en enfer pour ses péchés, il n'a pas traité de mensonge. Il n'a pas renié la vérité. Il a seulement désobéi à Allah. Donc, ce verset est en réalité une preuve contre eux, contre les Khawarij et les Mu'tazila, hein, puisque il y a une différence entre la personne qui va rentrer en enfer parce qu'elle a traité la vérité de mensonge et qu'elle s'est détournée de la vérité, et la personne qui rentre en enfer, parce qu'elle, non pas parce qu'elle a démenti la vérité et qu'elle s'est détournée, mais plutôt parce qu'elle a reconnu la vérité, mais elle n'a pas obéi complètement, ou elle a commis certains péchés qui méritent d'être purifiés. Donc, par conséquent... on ne va pas considérer ces deux types, hein, de personnes qui rentrent en enfer comme étant équivalentes, hein. Donc celui qui rentre dans l'enfer parce qu'il a fait le shirk ou qu'il a fait le kufr, c'est pas la même chose que celui qui rentre en enfer parce qu'il a fait le zina ou bien qu'il a commis un péché parmi les kaba'ir et qui va être puni pour ce péché-là. Donc, il y a une différence dans ces deux-là, et c'est pour ça que les gens qui ont été dans le kofr ou dans le shirk à leur mort, ceux-là sont dans l'enfer pour l'éternité, et ceux qui rentrent en enfer pour des péchés qu'ils ont commis alors qu'ils étaient sur le tawhid et sur la foi, même s'ils avaient, comme on a dit, un atome de foi dans le cœur, eh bien, Allah Azza wa Jal va les faire sortir de l'enfer. Le cheikh, il dit ensuite, ومنها قوله ثم لا يموت فيها ولا يحيى والمقصود بها الكفار بقول الله تبارك وتعالى لا يموت فيها ولا يحيى وبقول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذه معصية الكفر والشرك بدليل أن هناك آيات تنص على أن من على أن الله يقبل الشفاعة في العصاة والأحاديث متواترة في أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة في العصاة ويأذن بالشفاعة في العصاة. Donc ici le cheikh il explique que il y a également comme exemple des versets que les Mu'tazila et les Khawarij essaient d'utiliser parfois pour nier l'intercession, un verset comme le verset 13 dans Sourate Al-A'la, ثم لا يموت فيها ولا يحيى, puis il ne mourra pas ni ne vivra, c'est-à-dire dans l'enfer. Et qui est désigné dans ce verset là, c'est les koufars, les mécréants, et non pas les croyants, les musulmans. Et le cheikh il dit que dans Sourate Al-Jinn, le verset 23, Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors certes, il aura le feu de l'enfer, Hein? Il sera dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et le cheikh explique que la désobéissance mentionnée dans ce verset consiste à faire du kufr ou du shirk. Hein? C'est-à-dire, celui qui désobéit à Allah par le kufr ou par le shirk, il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. D'accord? Tandis que celui qui désobéit à Allah et son messager par quelque chose moindre que le kufr et le shirk, alors celui-là, yani, il y a des versets qui indiquent clairement et explicitement qu'il y aura pour eux une intercession, parce qu'ils sont des pécheurs. Et il y a des hadiths très très très nombreux également qui mentionnent que Allah va accepter l'intercession pour les pécheurs et qu'il va permettre qu'on intercède pour les pécheurs de la Ummah. Donc, les Khawarij et les Mu'tazila, leur argument est totalement yani, faux et rejeté. Hein? Et ça, c'est clair dans ce qu'on vient d'expliquer ici. Maintenant, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.